Enfin, je m'appelle Grigiamène Émilie. Je suis née à Kirichgourz en 1942. Ainsi que mes frères sont nés là-bas aussi.